Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 12 courant aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée du fait que les États-Unis mettent en cause notre pays au sujet du problème de la liberté de la religion. En voici le résumé. La publication du rapport sur la liberté de la religion internationale 2015 par le département d'État US montre nettement que la tentative hostile américaine de troubler notre intérieur et de renverser à tout prix notre régime sous prétexte de la défense des droits de l'homme et de la liberté de la religion n'a point changé. C'est sous l'enseigne frauduleuse de la défense des droits humains et de la démocratie que ce pays intervient grossièrement aux affaires intérieures des pays souverains partout dans le monde et viole sans merci la souveraineté des autres pays et nations. Les États-Unis n'ont donc même pas le droit élémentaire de parler des droits de l'homme. Impossible de nous intimider, Manu Militari, il recourt maintenant à la campagne des droits de l'homme à vocation anti-République populaire démocratique de Corée pour ternir notre image internationale et intensifier davantage le climat de sanctions et de pression internationale contre nous. Dans la situation où la volonté hostile des États-Unis, ennemi juré du peuple coréen, visant l'effondrement du régime n'a point changé, nous perfectionnerons mieux le potentiel autodéfensif axé sur la dissuasion nucléaire afin de défendre notre pouvoir et notre révolution.